saisi une croix. La zone 4 de Renoir pur Scarla. No one mêlé où tu veux pour ça, c'est toi qui vois. C'est clair, faut que je me tire de halle avant que ça finisse mal. Les riches m'emballent, moi ce que je veux c'est vendre des disques en pangal. D'ici jusqu'au côté du Sénégal, dis mal. Donc le prends pas mal si je m'installe brutal sur l'instrumental. On se pose proprement, s'impose autrement. On plaide pour la bonne cause et quand on explose on pète les tympans. On n'est pas au courant, si t'aimes pas va-t'en courant. Mais dis-toi bien que pour foutre le boucan c'est de toi qui se porte garant. Hey, c'est fini le temps des yéyés, fénéné le yo-yo. On n'est pas là pour se la raconter mais pour mouiller le maillot. C'est au micro, clair. On a les crocs et ça sent tu sais. Donc t'étonnes pas c'est quand on peura, ça sent le sens l'air. One two one two, v'là du neuf pour toi. Pour cette année y'a plus de bluff, coucou nous voici nous voilà. Tu nous connais pas, du moins disons pas encore. Mais t'inquiète pas ça viendra avec ou sans ton accord. Laisse passer la carrière, reste pas là. Tu comptes freiner les deux doigts franchement mais y une croix. La zone 4 de Renoir pur Scarla. No one mêlé où tu veux pour ça c'est toi qui vois. Laisse passer la KRA, reste pas là. Tu comptes freiner les deux doigts franchement mais y une croix. La zone 4 de Renoir pur Scarla. No one mêlé où tu veux pour ça c'est toi qui vois. J'suis un chien sans laisse qui traque la ville, putain shit merde. Mes sources m'appellent boulet, dans la foulée j'tue comme un cerf. Qu'est-ce que tu croyais, cette bombe était réglée pour exploser un jour. Même si la mèche s'est consumée, tranquille en se tapant des détours. Les vautours te font la peau si tu faiblis. Deux doigts te passent l'info, écoute, j'ai bérette pas molli. 93, notre première porte s'ouvrait sur Iba. Un mec nous met à l'aise et ça j'te jure que j'l'oublierai pas. Mais les années passent, faut se placer sur des featuring. Avoir des textes en ligne qui se fonctionnent doucement comme de la résine. Faut pas croire, avant d'être là on a dû trimer. Des fois ça prend la tête et tu commences même à déprimer, mais bon, j'y vais à fond même si les tests sont perpétués. Fini l'obscurité, la sentence à perpétuité, tu sais. Je lâcherai pas l'affaire et ça malgré ton venin. Désolé de vous l'apprendre, je suis pas classé en bon citoyen. Laisse passer la KRA, reste pas là. Tu comptes freiner les deux doigts, franchement, mais y une croix. La zone 4 de Renoir pur Scarla. No one mêlé où tu veux pour ça, c'est toi qui vois. Laisse passer la KRA, reste pas là. Tu comptes freiner les deux doigts, franchement, mais y une croix. La zone 4 de Renoir pur Scarla. Ça c'est toi qui vois. On est des chauds lapins, plein de pépins et on a faim sur le terrain. On emploie tous les moyens pour pas finir la queue entre les mains. Entre le mal et le bien, on va et on revient. On rêve de tout, on a rien dans notre trou, on est vraiment chien. Comme le tien, moi et les miens, on se prépare pour demain. Et si Dieu le veut, si Doge Kizer, Inch'Allah, on ira loin. Croise les doigts, c'est deux doigts qui aboient, écoute bien. Touche du bois, qui que tu sois, car comme tu vois, y'a plus rien qui nous retient. On se dépense avec des pensées mal placées, trop pressées. Pour presser les fessiers, je t'ai pas demandé de m'apprécier. Mais tu sais, je roule ma caisse avec un style de Kaira. Le show business, soit tu t'engraisses ou tu tapes. L'amour aura, c'est comme ça, on mise sur toi. Toujours à pile ou face, crois-moi que ce n'est pas facile. Mais je resterai toujours perspicace. Le DAS est une maladie, les casses font parler bandits. Mais quoi qu'il se passe, c'est sûr, on ira tous au paradis. Laisse passer la KRA, reste pas là. Tu comptes freiner les deux doigts, franchement, mais y une croix. La zone 4 de Renoir pur Scarla. No one mêlé où tu veux pour ça, c'est toi qui vois. Laisse passer la KRA, reste pas là. Tu comptes freiner les deux doigts, franchement, mais y une croix. La zone 4 de Renoir pur Scarla. Ça c'est toi qui vois. C'est déjà tout vu, c'est direct dans ton boulet. J'y peux s'installe, y'a pas de détails, ça tue. Du vrai rap de rue, des fracasseurs d'instru. Mets tes deux doigts dans tes tympans, tu trouves leur style trop cru. Tu les connais peut-être pas, mais c'est pas des nouveaux. Ça t'affonce sous-marin, puis ça émerge de l'eau. On s'excuse à l'avance pour ceux qui tombent de haut. Y'avait pas de porte ouverte, ils ont pété deux carreaux. Laisse passer la carrière, reste pas là. Tu comprenais les deux doigts, franchement, mais y une croix. La zone 4 de Renoir pur Scarla. Où tu veux pour ça, c'est toi qui vois. Laisse passer la KRA, reste pas là. Tu comptes freiner les deux doigts, franchement, mais y une croix. La zone 4 de Renoir pur Scarla. De one mêlé où tu veux pour ça, c'est toi qui vois. Alors maintenant, abandonnons les jumeaux. Ouais, oh bah non, soyez sympa, je suis en train de boulonner là. Bon. Oh, c'est le show lapin, c'est pas la fête aux jumeaux. Comme ça. Allez, soyez cool. Eh, hey, hey, regarde, oh, regarde, commencez à me la prendre là. Les jumeaux, c'est ça bon. Va mal. Allez, arrêtez, hey, merde. Les miennes chez moi, ils kiffent un peu, arrête de dire des bêtises. Si vous continuez, les deux, j'en fais des siamois, moi. De toute façon, hey, de toute manière, on bouge pas d'ici, sinon on reste en bas. Hein ? De toute façon, si tu le passes pas, tu sais. Cassons. Voilà, allez, sympa. Salut, salut.